Bienvenue en 2030 Glorieuse, le podcast pour raconter les mondes de demain. Moins de nuages, je vois un air un peu plus pur dans les grandes villes. Je vois des gens qui sont heureux du coup d'en faire partie et qui ont cessé de quitter les villes. Ça, c'est un premier point et ça passera tellement par les aspirations citoyennes libérées de ces récits oppressants de guerre, de crise et de magas que je vois déjà ça. Je vois plus de multimodalité, des bâtiments qui sont à la fois des logements et des bureaux et qui reconnectent justement de fait les citoyens au monde de l'entreprise. Souvent, ces citoyens et citoyennes sont d'ailleurs aussi des salariés de ces mêmes entreprises, donc tant qu'à faire, c'est peut-être pas totalement déconnant. Je vois des collectivités qui ont réussi à trouver des conditions pour réunir des citoyens dans des espaces de dialogue, et d'ailleurs ça on le vit aussi dans les entreprises. La démocratie s'est imposée dans le monde de l'entreprise et on prend des décisions en démocratie, c'est-à-dire en donnant voix au chapitre aux salariés, mais pas qu'aux salariés, en donnant voix au chapitre à la jeunesse, qui peut être dans l'entreprise ou externe, aux acteurs du dialogue social, à la nature, à des parties prenantes qui historiquement ont toujours été impactées par les activités économiques, mais n'ont jamais eu voix au chapitre. Vous venez d'écouter un extrait de l'interview de la semaine précédente. Si cet extrait vous a plu, je vous invite à retourner sur votre application de podcast ou le site internet sur lequel vous êtes passé, notamment Imago TV, pour pouvoir écouter votre épisode en entier. Et puis si cet extrait vous a plu, je vous invite à réagir directement sur les réseaux sociaux des 2030 Glorieuses, que ce soit Instagram ou LinkedIn, pour raconter ce qui vous a plu dans cet extrait et livrer à votre tour une vision enthousiasmante des 2030 Glorieuses. Je vous dis, moi, à bientôt pour un nouvel épisode et puis à bientôt avec toute notre communauté utopiste qui vous attend. Toutes les informations sont sur 2030glorieuses.org. Salut !